الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc l'auteur il dit, on continue toujours avec notre livre. فإذا عرفت أيها التائب أهمية العلم وفضله. Lorsque tu as su, toi qui te repens, l'importance de la science et son mérite, وخطر إهماله, et le danger de son délaissement, فعلم أن أول ما تبدأ به من العلوم, sache que la première des choses que tu dois apprendre, c'est الوصية الثالثة, le troisième conseil, ابدأ في تعلم أصول أهل السنة والجماعة, débute, commence par l'apprentissage des fondements de أهل السنة والجماعة, des fondements de أهل السنة والجماعة. وَعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ, et sache qu'Allah te guide vers son obéissance, te dirige vers son obéissance. أَنِّي لَا أَعْنِي بِالْأُصُولِ أَنْوَعَ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَ فَقَطْ, que je n'entends pas par les fondements les trois formes de tawhid seulement. وَإِنَّمَا أَعْنِيهَا أَوَّلًا, mais je veux cela en premier lieu. وأعني ثانيا, et deuxièmement, ce que je veux, غيرها من الأصول, d'autres fondements, التي اجتمع عليها السنة والجماعة, d'autres fondements où il y a unanimité des gens de la سنة et de la جماعة, السنة والجماعة, وفارقوا بها أهل البدعة والفرقة, et qui par ces fondements se sont distingués, se sont retirés, distingués, se sont écartés, éloignés de Ahlul Bid'a wal Furqa, des gens de l'innovation et de la division. Kal wala wal bara, comme la question de wala wal bara, c'est la prise d'amitié et la prise d'inimitié. Aimer et détester. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, et de commander, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. والموقف من الصحابة وتوقيرهم والذب عنهم, et la position à prendre vis-à-vis des compagnons et le respect et leur respect, et aussi prendre leur défense contre toute personne qui viendrait leur manquer de respect ou toute personne qui viendrait à raconter n'importe quoi sur eux. والموقف من ولات الأمر, et la position à prendre concernant les gouvernants. والموقف من أهل المعاصي والكبائر, et la position à prendre vis-à-vis des gens du péché, les gens qui font le péché et les grands péchés. والموقف من أهل البدع والكلام فيهم ومعاملتهم, et la position à prendre vis-à-vis des gens de l'innovation et de parler sur eux et de la relation à avoir avec eux, le comportement à avoir envers eux. وغيرها من الأصول, et bien d'autres fondements, التي اجتمع عليها السنة والجماعة, où les gens de la sunna et du groupe se sont unis. وادخلوها ضمن كتبهم العقديه, et ils ont mis ces fondements dans leurs ouvrages concernant l'aqida, le dogme. اظهارا للحق, pour faire apparaître la vérité. ومفارقه منهم لاهل الزيغ والفتنه والهوى والفرقه, et aussi c'est pour se séparer, pour s'écarter, ils ont fait ça aussi pour s'écarter et s'éloigner des gens de l'égarement et des gens de la fitna et des gens de la passion et des gens de la division. وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ عَمَلِيَّةْ غَيْرَ عَقَلِيَّةْ, même si à la base certaines de ces questions étaient des questions de pratique et non pas des questions dogmatiques. C'est pour cela que lorsque vous regardez dans les livres anciens de l'aqida, qu'on appelle aussi as-sunnah, parce que pour beaucoup de livres d'anciens ulama et d'imams, ils les appelaient as-sunnah, ou ils les appelaient usul sunnah, mais ils voulaient par cela, par le terme sunnah, al-aqida, c'est-à-dire la croyance de l'as-sunnah wal-jama'a. Comme par exemple le livre as-sunnah, l'Ibn Abi Asim, il est connu parce qu'il a un grand tahqiq de Cheikh Al-Bani, rahimahullah. Aussi as-sunnah l'imam Abdillah ibn l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et vous avez aussi Sharh Usul Sunnah de l'imam Al-Barbahari. Vous avez aussi Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'a de l'imam Al-Lalaka'i. Et bien d'autres livres de l'Aqidah qui s'appelait As-Sunnah. Et tous ces livres-là, lorsque vous voyez, ils vous montrent les fondements et les bases de Ahl Sunnah wal Jama'a, et dans ces bases et dans ces fondements, ils discutent et amènent des questions qui sont plus des questions fiqhiyya, qui sont plus des questions fiqhiyya, et tu pourrais te poser la question pourquoi ils les ont mis dans un livre qui concerne l'aqida. Ils les ont mis parce que c'est des questions où Ahl Sunnah se sont caractérisés par rapport à Ahl Bid'ah wa Dalal. Lorsque Shia n'ont pas reconnu le Mas'h al Khuffay, hein, ils l'ont mis dans leur livre. Et ils parlent de le Mas'h al Khuffay. Et nous voyons le Mas'h al Khuffay. Ça veut dire que c'est une des différences qu'il y a entre le Sunnah et le Dalal. Et que celui qui vient avec cette question-là, ou le contraire de cette idée-là, il est venu avec la parole de le Dalal. Et pas avec la parole d'Ahl Sunnah wal Jama'a, car tous Ahl Sunnah wal Jama'a sont d'accord sur cette question. Et donc il la ramène dedans. Aussi la prise de position vis-à-vis des Sahaba, pourquoi il la ramène dedans? Il ramène. Et nous voyons la position qu'on a vis-à-vis des Sahaba, qu'on doit les aimer, on doit les respecter, on ne doit pas parler en leur mal. Et que celui qui parle en leur mal, voilà son sort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les sectes égarées qui sont entrées dans cette question-là, et ils ont parlé sur les Sahaba. Donc les ulama, ils l'ont mis. Pour bien l'expliquer aux personnes qui cherchent les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, que ceci fait partie de leur base et de leur fondement. Si quelqu'un vient, regardez subhanallah le conseil du frère, de commencer par les bases et les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous savez ça. C'est pour ça que c'est incompréhensible que quelqu'un a su c'est quoi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, puis lit des livres de Sayyid Qutb où il y a l'insulte, le manque de respect des Sahaba, et puis ça ne fait rien du tout. Alors que c'est connu que cette question-là ne parle en mal des Sahaba que des gens d'Ahl al-Dalal. Et parce que c'est telle personne, ils n'ont pas voulu le mettre avec Ahl al-Dalal. Et lorsque les ulama ont appliqué les fondements et les bases de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on a commencé à parler sur eux, qui eux n'ont pas été en contradiction avec les fondements et les bases de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et même dedans, on trouve la position à avoir vis-à-vis des Moubtadi'a, et de parler sur eux. Et le comportement à avoir vis-à-vis d'eux, vous le trouvez dans les livres des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Regardez qu'est-ce qu'ils appliquent après. Et vous comprendrez ce qui est réellement Ahl Sunnah wal Jama'a. فَإِنْ ضَبَطَ هَذِهِ الْمَسَائِلْ وَالْأُصُولِ. Si tu as bien pris, bien compris, bien assimilé ces questions et ces fondements, فَإِنَّكَ سَتَكُونُ بِإِذْنِ اللَّهِ. Avec cela, tu seras, par la permission d'Allah, مُحَصَّنًا. Tu seras fortifié. Fortifié. بِدَّ كَثِيرٍ مِنَ الشُّبَهِ. Contre beaucoup d'ambiguïté. أَلَّتِ تَعْصِفُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً. Qui tombe dans le monde islamique à gauche et à droite. À droite et à gauche. À l'est ou à l'ouest. Toutes ces choubacs, à chaque fois, des nouvelles, tous les jours on en a des nouvelles qui tombent. Celui qui s'est bien fortifié, il sera à l'abri de beaucoup de ce genre d'ambiguïté. Quand tu as connu les fondements de l'Sunnah wal Jama'a, t'entends une parole de quelqu'un, tu dis non, ça c'est contraire aux fondements de l'Sunnah wal Jama'a. Donc lui, il y a un problème. Lisez, vous avez déjà peut-être a eu un aperçu de ces ouvrages-là. Ils ne sont pas très volumineux, mais ils sont très précieux. Très précieux par leur contenu. Il est rempli de paroles de Salaf Salah. Il y a beaucoup de sagesse et de règles dedans. Et ce que les livres que je viens de citer tout à l'heure, ce n'est qu'à titre d'exemple. Vous avez aussi Kitab al-I'tisab, Kitab al-Tawhid, Kitab al-Sunnah, dans aussi dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim et dans Sunan. Ce sont des chapitres qui sont bien à lire et à étudier aussi dedans. Dans Sahih Muslim et dans Sunan, ce sont des chapitres qui sont bien à lire et à étudier aussi dedans. Ils l'ont mis dans leur livre et ils ramènent dedans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parfois les athar de sahaba et de salaf salih. Ça c'est très important. Et lorsque il y a eu une négligence de la part de beaucoup de ceux qui se sont repentis concernant cette partie-là qu'on vient de voir, le fait d'apprendre en premier lieu les fondements d'Ahlus Sunna wal Jama'a, lorsque beaucoup ont négligé cela, ولم يقبلوا في بداية توبتهم على تعلم أصول أهل السنة والجماعة ومنهجهم, et qu'ils ne sont pas allés au début de leur tauba, de leur repentir, vers l'apprentissage des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a et de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, أصبحوا مضطربين متخبطين. Ils se sont trouvés perdus. Al-Muttalib ou Al-Mutakhabbit, celui qui est perdu, il ne sait plus. Il ne sait plus où mettre la tête. Mais Adna Shubha, pour la plus petite Shubha, pour la plus petite ambiguïté, il ne sait plus où se mettre. Il ne sait plus comment faire avec. Nas'alullah as-salam wa al-afiyah. Nous demandons à Allah la paix et la tranquillité contre ce genre de maladie. ومن تأمل في حالهم فإنه يجد صورا وأمثلة كثيرة على هذا الاضطراب. Et pour celui qui médite et qui regarde un peu l'état de ces gens-là, il trouvera plusieurs états. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Plusieurs états qui sont dans ce problème-là, qui sont perdus, qui ne savent plus comment se comporter vis-à-vis de n'importe quelle ambiguïté. Parmi ceux-là, tous les innovateurs, les gens de la division, ils veulent même pas avoir de lien avec eux. Il est strict sur ça pendant une certaine période. فَإِذَا مَا سَمِعَ لَهُ شُبْهَةً مِنْ مُتَلَبِّسٍ بِالسَّلَفِيَّةِ. Mais dès qu'il vient entendre une ambiguïté d'une personne qui s'est habillé avec la salafia, mutalabbis, quelqu'un qui se cache, qui se déguise avec la salafia, mais qu'en réalité, alhamdoukallah, mais qu'en réalité il cache autre chose, mulakhasuha, en résumé par exemple, an al-bu'd an ahli al-bid'a wa 'adam mujalasati mukhalafatihim ghayr sahih, que le fait de s'éloigner de ahli al-bid'a, des gens de l'innovation, et le fait de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas rester avec eux, c'est pas vrai. وأنه يفوت مصالح كثيرة, et qu'en faisant cela, la personne elle perd beaucoup de choses, beaucoup de biens et de bénéfices, le fait qu'il s'éloigne des gens de bid'a. وأنه لا أحد معصوم, et que nul n'est infaillible. بعد الرسول après le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'y a pas quelqu'un qui est infaillible. وأن الصحابة رضي الله عنهم أخطأوا, et que les Sahaba ils se sont trompés aussi, il leur est arrivé de se tromper. Tu vois, voilà, c'est des belles paroles, hein. Ça n'est pas marsom, tout le monde peut se tromper, les sahaba ils se sont déjà trompés, hein, voilà. Et la personne, qu'est-ce qui lui arrive? Illa wa tarahu qad marida qalbu. Ah, là son cœur il a commencé à devenir malade. Il était tranquille, lui il est venu avec ses gens de chouba, la personne elle ne sait pas quoi répondre à ses chouba, et voilà son cœur il devient malade. Son cœur il est devenu comment? Malade. وشرب الشبهة أسرع من شربه الماء. Et il a bu l'ambiguïté plus vite que quand il boit de l'eau. La chouba est passée plus vite que l'eau. وإذا به قد أصبح مخالفا لأهل البدع. Et ça y est, à partir de ce moment-là, tu le vois en train de marcher et en train de, d'aller avec les gens de l'innovation. مُمَيِّعًا لِلْأُصُولِ السَّلَفِيَّةِ بِسْمِ السَّلَفِيَّةِ En oubliant les fondements de la salafia au nom de la salafia. Voilà, parce que là il vient, c'est ça salafia. Au nom de la salafia, il a délaissé, hein, et il a oublié les fondements de la salafia. وإنما حصل هذا الاضطراب. Et cette maladie n'est arrivée لعدم إقباله على تعلم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. Parce que il n'est pas allé apprendre le livre d'Allah et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. وعلى دراسة أصول أهل السنة والجماعة. Et il n'a pas étudié les fondements, les bases de la Sunna wal Jama'a. إذ لو أقبل عليها, car s'il l'avait fait, لعلم أن هذه الشبهة باطلة. Il aurait su que cette ambiguïté est fausse. Elle n'est pas bonne. مغايرة لحال أهل السنة والجماعة مع أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا. Car elle est en contradiction, elle est contraire de l'état de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a à l'encontre des gens de la passion et des innovations, que ce soit Ahl al-Sunnah wal-Jama'a anciennement ou au quotidien ou actuellement. Les anciens et ceux d'actuellement, comment il est réellement leur comportement vis-à-vis de ces gens-là. Voilà Alima. أن قول الملبس لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل أحد يخطي أنها كلمة حق لكن أريد بها باطل. Et que la parole, il aurait su aussi que la parole de cet homme déguisé, que nul n'est infaillible après le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et que tout le monde se trompe, que c'est une parole véridique, mais qui derrière cette parole, c'est un mal qui a été voulu, et c'est le faux qui a été voulu. وذلك أن أهل السنة والجماعة من الصحابة وتابعيهم بإحسان إذا أخطأ أحد منهم لم يكن خطأه صادرا عن هوى. Ceci parce que أهل السنة والجماعة parmi les Sahaba, les compagnons et les tabi'in, ceux qui ont succédé aux Sahaba, ceux qui les ont suivis convenablement, lorsque l'un d'entre eux se trompe, son erreur ne vient pas parce qu'il a voulu suivre sa passion. Son erreur, lorsqu'il a fait une erreur, ça n'a pas été voulu, son erreur. Et ce n'est pas par suivi de la passion. Et cette erreur-là n'est pas venue parce que il ne voulait pas suivre les textes et les traces. أو تحريف للنصوص. Et cette erreur n'est pas venue parce qu'ils ont altéré les textes. أو اتباع للمتشابه منها. Et non plus parce que ils ont voulu suivre ce qui prête à équivoque. كما هو حال أهل البدع. Alors que ça, c'est l'état des gens de l'innovation. Alors que ça, c'est l'état des gens de l'innovation. وإنما يكون بسبب عدم علمه بالدليل. Mais pourquoi il a fait cette erreur-là? Parce qu'il n'a pas eu connaissance. Il n'a pas pris connaissance du dalil, de l'argument. أو لعلمه به وعدم صحته عنده. Ou alors, il a pris connaissance de l'argument, mais il lui est parvenu par une chaîne qui n'est pas authentique. Donc il ne pouvait pas s'en servir, étant donné que pour lui, ce dalil-là n'était pas authentique. أو غير ذلك مما لهم فيه العذر. Ou autre cause, hein, par lesquelles on les excuse. Mais quelqu'un qui vient insulter les Sahaba, et l'autre vient dire ouais, mais il s'est trompé. Il a trouvé que ça à faire, insulter les Sahaba. Ouais, ben c'est, il a fait sa recherche. Quelle recherche qu'il a fait? Où il est dans les versets coraniques ou dans les hadiths qu'il dit qu'il faut insulter le sahaba? Si ce n'est pas le contraire qui est demandé. Si ce n'est pas un suivi de la passion. Et ainsi de suite, comme on l'a vu tout à l'heure. وفيهم وفي من اتبعهم بإحسان ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est sur eux, الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis convenablement, c'est sur eux qu'on applique la parole du messager, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر رواه البخاري ومسلم. Lorsque le juge vient à juger et qu'il a fait l'effort et qu'il a eu bon dans son jugement et dans sa réponse, il aura deux récompenses. Et lorsqu'il a jugé et il a fait l'effort et qu'il s'est trompé, il a une récompense. Et le premier, il a deux récompenses pour avoir fait l'effort de recherche et pour avoir eu bon. Et le deuxième, il est récompensé une fois pour l'effort qu'il a émis. بخلاف أهل البدعة والفرقة فإنهم لا يبالون بالآثار. Et ça, c'est le contraire des gens de l'innovation et de la division, car eux ne font pas attention aux athar, aux traces du prophète et des compagnons. ويقدمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. Et ils donnent prépondérance et ils mettent en premier lieu leur raisonnement par rapport au texte du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cela qu'il y a une différence entre une personne qui prend le Coran et la Sunna et qui apprend l'islam et qui prend la science bénéfique, et entre une personne qui a déjà des convictions et qui a déjà des idées et il se met à chercher dans le Coran et la Sunna tout ce qui pourrait confirmer ses idées et sa conviction. Et il est prêt à tout, il est prêt à altérer, il est prêt à interpréter, il est prêt à aller rendre authentique ce qui n'est pas authentique, il est prêt à rejeter ce qui est authentique, il est prêt à faire multitude de choses pour confirmer sa conviction et son idée, et pour la déguiser comme quoi c'est bien une conviction islamique et comme quoi c'est bien une idée islamique. Il y a une différence, il y a une très grande différence, et ça c'est très grave. Alors que le musulman ne doit pas se prendre comme ça. Ton idée ou ta conviction que tu as eue, ça n'est pas conforme à l'islam, tu la jettes. Et tu te soumets au texte. C'est ça qui t'est demandé. Pas de croire après d'aller chercher tout ce qui pourrait confirmer ta croyance. Non. Tu prends le Coran à la Sunna et tu crois en ce qu'on t'a demandé de croire. C'est comme ça qu'est le musulman authentique. Et combien de. Et la majorité des sectes, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont eu des convictions et se sont mis à chercher tout ce qui pourrait confirmer leur conviction. Et cette façon de faire n'est pas permise en islam. Et combien vous les voyez faire de cette manière-là? Il fait quelque chose, tu dis, mon frère, c'est pas bien ce que tu fais. Il va passer des nuits à faire des recherches pour trouver quelque chose qui va confirmer ce qu'il fait. Non pas parce qu'il sait que l'islam le demande, tellement qu'il veut que rester avec cette chose-là. Quitte même à trouver quelqu'un dans l'histoire l'a dit. Je ne sais pas combien qu'il l'a dit, il l'a déjà dit. Bel yu'assiluna usulan tughayiru usul ahli sunnati wal jama'a. Plus que ça, ils émettent des bases et des fondements qui vont à l'encontre des fondements de ahli sunnati wal jama'a. C'est là qu'on voit l'utilité d'apprendre les fondements d'Ahl Sunnah wa Jama'ah. Lorsque vous les connaissez, dès que quelqu'un vient avec un fondement qui est contraire, vous comprenez. فهؤلاء لا يعتذر لهم بما اعتذر به ذلك الملبس ولا يصفهم في صف أهل السنة والجماعة إلا جاهل أو مبتدع مكابر. Ce genre de gens, on ne leur trouve pas des excuses comme l'a fait cet homme, cette personne déguisée qui a essayé de leur trouver des excuses. Et on ne les met pas dans les rangs de Ahl Sunnah wa Jama'ah. Et ne les met dans les rangs de Ahl Sunnah wa Jama'ah qu'un ignorant ou un innovateur orgueilleux. Un innovateur orgueilleux qui ne veut pas reconnaître la vérité. Et parmi cela, Al-Misal, Sani. Un deuxième exemple. Vous avez vu le premier exemple ? Là, on va voir le deuxième exemple. أنك تجد التائب متحمسا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. La critique ne fait pas partie de la voie de أهل السنة والجماعة. Des choses qu'on entend. La critique ne fait pas partie de la voie de أهل السنة والجماعة. وأنه يقسي القلب et qu'il endurcit le cœur. Et là, il met une annotation. وهذا من عجائبهم. Et ceci fait partie des choses étranges provenant de ces gens. إذ القسوة إنما تكون في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا في امتثالهما. Car la dureté du cœur ne provient que quand, lorsqu'on va à l'encontre de l'ordre d'Allah et de son messager صلى الله عليه وسلم, non pas lorsqu'on applique l'ordre d'Allah et de son messager صلى الله عليه وسلم. وكيف يقسو القلب من ينكر المنكرات لا سيما البدع منها والضلالات. Et comment pourrait s'endurcir le cœur de celui qui réfute et rejette le mal comme les innovations et les égarements. Et il ramène un hadith où le prophète il dit wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم. Je vais essayer de traduire le hadith mais seulement dans le sens parce qu'il y a des termes qui sont un peu difficiles à traduire. C'est-à-dire que le fitan se présente au cœur comme al-hasir, ce sont les nattes qui ont des branches qui se lient comme ça. Dans certaines mosquées ou bled où on les a, c'est ce qu'on appelle le hasir. Vous connaissez? Vous voyez c'est quoi? Et puis comment c'est fait? C'est lié l'un sur l'autre. Voilà. Donc, vous avez compris? Hein? Ils sont noués les uns sur les autres comme ça. Donc, il dit, donc les fitan sont présentés au cœur comme le hasir. Ouden, ouden. C'est-à-dire, branche par branche. Donc tout cœur qui viendrait à l'avaler, ou à le boire, ou à le prendre, au sens de le prendre, l'accepter, à chaque fois qu'il accepte, il y a un point noir qui vient s'inscrire sur son cœur. Un point noir qui vient d'être mis sur son cœur. Et le cœur qui le rejettera et le réfutera, celui-là c'est un point blanc qui sera mis. C'est un point blanc qui sera mis. Jusqu'à, et ça c'est au fur et à mesure, à chaque fois qu'il acceptera, ça sera un point noir. Et l'autre, ça sera un point blanc, tant qu'il le rejette, il le réfute. Jusqu'à qu'on en arrive à avoir deux cœurs. Un qui est complètement blanc et l'autre qui est complètement noir. Donc, et celui qui aura ce cœur blanc, aucune fitna ne pourra le nuire tant qu'il y a les cieux et la terre. Et celui qui aura le cœur noir, il ne reconnaîtra même pas le bien, il ne réfutera même pas le mal. Sauf ce qu'a voulu sa passion. Voilà le hadith rapporté dans Sahih Muslim. Celui qui veut une traduction complète et plus objective et plus proche, si vous avez Sahih Muslim, vous retournez, c'est le numéro 367. Le numéro 367. Donc, alors, cette ambiguïté, c'est quoi? C'est cette parole-là, que la critique n'existe pas, ne fait pas partie de la voie de la sunna wa jama'a, et que ça endurcit le cœur. وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ يَنْتَقِدُ الْجَمَاعَاتِ فَانْتَكَسَ بِسَبَبِ ذَلِكَ. Et qu'un tel, il critiquait les mouvements, les partis, puis après, eh ben, il a dévié à cause de cela. إِلَّا وَتَرَاهُ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Cette personne-là, en entendant cette ambiguïté, hop, il se détourne. Il se détourne de ce qu'il faisait. فَيُنْكِرُ هَذَا الْأَصْلَ الْعَظِيمِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الدِّينِ. Et il vient à rejeter, à réfuter cette grande base, ce grand fondement sur lequel est basée la religion. Sur lequel est basée la religion. بَلَّ رُبَّمَا وَجَدْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْعُ النَّاسِ إِلَى تَرْكِ هَذَا الْأَصْلِ بِدَعْوَ أَنَّهُ يُقَسِّ الْقُلُوبِ. Mais tu peux encore plus de ce que cela le voir appeler les gens à délaisser ce fondement avec la prétention et la prétention que ceci endurcit les cœurs. والحق في ذلك, et la vérité en cela, أن هذا أصل عظيم, que c'est un fondement, c'est un grand fondement. قام عليه الدين الحنيف, la religion a été basée dessus. وباب متين في حفظ منهج السنة والجماعة من التحريف, et c'est une porte ferme pour la protection de la voie de أهل السنة والجماعة de l'altération. وعبادة عظيمة, et c'est une grande adoration. وقربة جليلة, et une bonne approche, un bon rapprochement. تزيد في إيمان المسلم, qui augmente dans la foi du musulman, qui fait augmenter la foi du musulman. إذا قام بشروطه, s'il l'a appliqué avec ses conditions. من إخلاص, avec la sincérité. وغيره, et d'autres conditions. حاله كحال أي عبادة أخرى تزيد في الإيمان. Ce qu'on dira sur ça, c'est ce qu'on dira sur toute autre adoration. Sur toute autre adoration, c'est un acte d'adoration comme toute autre adoration qui fait augmenter la foi. فالخلل ليس في الأصل. Donc, le problème ne vient pas du fondement. وإنما في من طبق الأصل من غير ضابطين. Mais le problème provient de qui? De celui qui applique ce fondement sans aucune limite, sans aucune règle. فلما وافقت الشبهة قبولا في قلبه أنكر الأصل. Et lorsque l'ambiguïté a été acceptée par son cœur, elle a été acceptée par son cœur, il a rejeté, réfuté ce fondement. Badalan min al-inkari ala nafsihi, alors qu'il aurait dû s'en prendre à lui-même. Il aurait dû s'en prendre à lui-même. Fi adami husni tatbiqi al-asl, s'en prendre à lui-même, comme quoi il n'a pas bien appliqué ce fondement, et non pas s'en prendre au fondement lui-même. ولهذا لم نرى في أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلا الزهد والتقوى والخشية ولين القلب مع كثرة نقدهم وكلامهم في الرجال والطوائف. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais vu chez les imams de la guidée, parmi les compagnons, parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis convenablement, si ce n'est Az-Zuhd. Az-Zuhd, c'est le délaissement de ce bas monde, l'éloignement de ce bas monde, ne rechercher que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la piété et la crainte et la tendresse du cœur. Et avec cela, souvent ils critiquaient et réfutaient, ça on le voit dans leurs écrits et dans leurs paroles, vis-à-vis des hommes et des mouvements et des sectes. L'un n'a pas empêché l'autre. Le fait que souvent ils ont critiqué, réfuté des innovateurs et des tendances des sectes, ça n'a pas empêché qu'ils avaient de la piété et qu'ils avaient de la tendresse dans leur cœur et qu'ils avaient de la crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de sa face subhanahu wa ta'ala en délaissement de ce bas monde. Donc la personne qui trouverait autre chose, c'est, il doit s'en prendre à lui-même. Il doit s'en prendre à lui-même et à se corriger, et non pas de s'en prendre à une base et un fondement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا عبد الله بن المبارك وهذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين وهذا علي بن المديني وهذا أبو حاتم الرازي وهذا البخاري كلهم سيرتهم مشرقة بالزهد والورع والخشية والتقوى. فوالا عبد الله بن المبارك يا أحمد بن حنبل يا يحيى بن معين وعلي بن المديني يا أبو حاتم الرازي et Al-Bukhari, tous leur vie, elle est resplendissante, elle est illuminée par Az-Zuhd, par Al-Wara, une forme de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est d'en arriver à délaisser des choses qui sont licites, mais qui, par peur de tomber dans l'illicite. Al-Wara, c'est ce qui te pousse des fois à délaisser des choses. Mais tu ne vas pas dire aux gens ne les faites pas. Mais toi, pour éducation de ton nefs, par éloignement de choses qui pourraient être futiles, tu t'en éloignes. Regardez le degré que sont arrivés ces gens-là. Et al-khashya wa taqwa, et la crainte d'Allah, et la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a ramené ces noms? Ce sont les grands imams qui sont connus pour la critique des innovateurs. Et la critique de tous ceux qui ont essayé de toucher à la religion et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont combattu les innovateurs et les sectes égarées. فهذا الخلط والخبط سببه عدم الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله. Tout ce mélange et ce genre d'ambiguïté, la cause de cela c'est quoi? C'est le manque de sincérité et le manque de véracité dans le repentir à Allah. Wa adamu iqbal at-ta'ib ala ta'allum usul ahli sunnah wal jama'ah ibtida'an. Et le fait que celui qui s'est repenti n'est pas parti étudier, apprendre les fondements de ahli sunnah wal jama'ah au début. Min ajli hadha c'est pour cela, mon petit frère qui te repent, la buddalaka an tantabiha li mithli hadha al-maslaq al-khatir. Il faut que tu prêtes attention à ce danger. Wa an ta'lam annahu la najata laka min hadhihi ash-shubah al-mutafashshiyah. Et que tu saches que tu ne pourras pas te sauver, que tu ne seras pas épargné de ces ambiguïtés qui sont répandues. Wal mazalik al mardiya illa idha waffaqaka Allah, sauf si Allah t'a aidé. Wa bada'ta fi ta'allum usul ahli sunnah wal jama'a, et que tu commences à apprendre les fondements de ahli sunnah wal jama'a. Fa kun harisan ala hadha al bab bi jiddin wa nashat wa azimatin qawiyyah. Fervent sur ce chapitre-là, avec force et avec courage. خذوا ما آتيناكم بقوة prenez ce qu'on vous a donné avec force, wa sidqin wa ikhlas, et avec véracité et sincérité. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et ceux qui ont fait leurs efforts dans notre chemin, nous les guiderons vers nos voies, et certes Allah est avec les bienfaisants. وكن موقنا, et sois certain, بقوله تعالى de la parole du Très-Haut, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Et s'ils avaient accompli ce qu'on leur avait exhorté, ceci aurait été meilleur pour eux et bien plus sûr, et on leur aurait donné une grande récompense et nous les aurions guidés vers le droit chemin. وحذاري من الوهن والضعف, et attention à la faiblesse. Et attention à la faiblesse. وَالْإِسْتِكَانَ لِمَا يُصِيبُكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, à la faiblesse que lorsque tu es éprouvé dans la voie d'Allah, dans le sentier d'Allah. Hein? La faiblesse qui peut t'arriver lorsque tu es touché par quelque chose dans le sentier d'Allah. وَلَا تَغْفَلَنَّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى, ne sois pas distrait par rapport à la parole d'Allah. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Le sens du verset, parce que les versets, parfois c'est un peu difficile, surtout quand c'est des versets qu'on n'a pas eu l'habitude de les lire en français, que souvent les versets on les lit en français, donc on peut s'en rappeler, mais il y a des versets qu'on ne lit pas souvent en français. Mais inchallah, les frères, vous retournez toujours à la traduction, comme ça vous aurez la traduction correcte. Et moi je vous donne le sens du verset. Donc, et ils n'ont pas été affaiblis parce qu'ils ont subi dans le sentier d'Allah, et Allah aime les patients. Bon, inshallah, on va s'arrêter là. Subhanallah, Muhammadik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.